Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, c'est votre émission de variété anglo-saxonne. Deux heures de variété anglo-saxonne autour d'un album que nous mettons en vedette à chaque fois. Solid Gold à la radio, mais aussi sur internet, sur solidgold.fr pour les émissions à écouter en direct, à télécharger ou pour vous abonner au podcast. Pour n'en manquer aucune, chaque semaine vous recevrez directement dans votre lecteur préféré les nouvelles émissions de Solid Gold. Sur le site solidgold.fr, vous pouvez retrouver les émissions après leur diffusion et elles y restent. Les anciennes émissions donc sont rattrapables. Un album vedette chaque semaine, je vous le disais, et aujourd'hui je vous emmène en 1974 avec ce qui est considéré comme l'un des premiers tubes de l'ère disco. C'est Rock Your Baby de George McRae, et c'est aussi le premier album de George McRae qui s'appelle Rock Your Baby. George McRae, originaire de West Palm Beach, il a fait sa carrière avec sa femme Gwen McRae, qui elle aussi a obtenu pas mal de succès dans les années 70. Ils ont été découverts tous les deux par la chanteuse Betty Wright, qui leur a proposé de travailler avec elle et d'abord d'enregistrer sur ses albums, et puis ensuite ils ont fait leur carrière solo. C'est donc l'album Rock Your Baby de George McRae qui va nous accompagner aujourd'hui. On a entendu le fameux tube Rock Your Baby. On le retrouve tout de suite avec I Can't Leave You Alone, I Keep Holding On. Et puis juste après, on aura Betty Wright. George McRae est l'invité de Solid Gold aujourd'hui. C'est parti. Happens the sun that shines up above. And if any of these things should come true, Lord, that's when I'll stop loving you. Every day of my life. dans les années 80, Daryl Hall et John Oates avec Kiss on My Lips, et puis juste avant Betty Wright et That's When I'll Stop Loving You. Betty Wright, c'est elle qui a découvert George McRae, George et Gwen McRae. C'est George qui nous accompagne aujourd'hui avec son album Rock Your Baby en 1974, un des premiers albums à avoir lancé l'ère du disco. On va l'entendre tout de suite avec un autre extrait de l'album, You Got My Heart, et puis juste après un extrait du dernier album de Melissa Manchester, You Gotta Love the Life. You're burning up.

Grande star de la soul, Edwin Starr avec Way Over There et à l'instant Shack Attack avec la version acoustique de leur tube des années 80, Down on the Street. George McRae, 1974, Rock Your Baby, c'est l'album qui nous accompagne aujourd'hui. On va entendre You Can Have It All, extrait de cet album, et juste après, en 1998, Whitney Houston qui reprend une chanson de David Foster, I Learned From the Best. Did you think you could walk back in my life? Oh, so you found you missed the love you threw away, baby, but you found it out too late, too late. And so you know. Cold nights, tears I thought would never dry. How you shattered my world with your goodbye. your goodbye, baby. What a soul my soul then, just to have you back again. Now you are the last thing on my mind. Now you say you're sorry and you change your ways. Sorry, but you change your ways. You gave me the best. You to sin, day after day, the two of us, wasting away, making believe there's a reason to stay together. Now we're happy to sit night after night, the two of us, convinced that it's right, hiding the yawns, somehow getting along together. Afraid we'd always be alone, we made a home that we could always share. Just to know that someone would be there, even if we never learn to care. And now enough, year after year, the two of us, nothing to fear, nothing at all, but the rest of our lives together. C'est ça, Solid Gold, c'est de la variété anglo-saxonne et on mélange les genres, les époques et ça fait un cocktail que vous aimez bien, c'est Solid Gold. On a eu le groupe Personal Life, un extrait de leur dernier album, Morning Light, et puis à l'instant, à la même époque que l'album de George McRae, c'était milieu des années 70, Barry Manilow, extrait de son deuxième album à l'époque, et la chanson c'était The Two of Us, George McRae, ce chanteur qui a un peu lancé la disco, qui donc sortait en 74 cet album Rock Your Baby, la chanson s'appelle Look At You, qu'on va écouter tout de suite, et juste après on aura Patty Asher qui reprend le tube signé Burt Bacharach et Hal David, I Say A Little Prayer. Look at you, so beautiful, my woman. Look at you. Thank you. put on my makeup. I say a little prayer for you. Why combing my hair now and wondering what dress to wear now? I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart and how I love you. Forever and never, we'll never, we'll part and how I love you. Together, together, that's how it must be to live without you. Would only be heartbreak for me. I run for the bus, dear. Alrighty, I think of us, dear. I say a little breath for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little breath for you. Forever and ever, you stay in my heart and I will love. To live without you would only mean heartbreak for me. Oh, my darling, believe me, for me there is no one, nobody but you. Please love me too. he's the best thing I've had, 'cause he makes me glad. Coffee while he's still in bed, and then I run my fingers across his sleepy head. He's the best thing I had, 'cause he makes me glad. I'm a woman. Listen while I sing my song now. La la la la la la la la la la la la la la la. That's the song I sing when the morning comes. When it touches me, my heart beats like a drum. He's the best thing I have, 'cause he makes me glad. I'm a woman, so listen one more time. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin des années 60, début des années 70, la sœur de Dionne Warwick a eu sa petite carrière, d'abord chez Atco Records, où elle enregistrait notamment cette chanson « I'm glad I'm a woman ». Et puis juste avant, dans les années 90, début des années 90, c'était Kenny Loggins avec « Meet Me Halfway ». George McRae, lui, le chanteur originaire de Floride, qui a lancé, on peut dire, la mode du disco avec son album « Rock Your Baby » et sa chanson « Rock Your Baby ». C'est lui qu'on écoute aujourd'hui dans Solid Gold. Make It Right, c'est le morceau extrait de l'album Rock Your Baby qu'on va écouter tout de suite. Et puis juste après, un florilège de stars avec tout d'abord Nancy Sinatra et Sugartown, et ensuite le soulman de Philadelphie Teddy Pendergrass et Somebody Told Me. My life is round, baby, come around. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun. 'Cause I'm in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me. 'Cause I was in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, sugar town. If I had $1 million or ten, to your world and then you'd go away and let me spend my life in shoo shoo shoo, shoo shoo shoo, shoo shoo shoo shoo shoo shoo, sugar town. You know who? It's about time that we pass it on. story. It could be he had a dream, came upon the scene, where the lamb and lion play. Yes, they play. Now how could he start to school her, to rule her with feet of sand and clay? Oh, lions all declare that he must reach to heaven forever. Lions all declare that he must reach to heaven forever. Lions all declare that he must reach to heaven forever. Lions all declare that he must reach to heaven forever. En 1981, Al Jarreau avec Alonzo, à l'époque où il était associé au producteur Jake Graydon, et puis juste avant la très grande Julie London avec sa version de Summertime. On va retrouver George McRae, extrait de son album Rock Your Baby, qui est notre album vedette aujourd'hui. La chanson s'appelle I Need Somebody Like You, et puis juste après, un groupe de filles des années 50-60 aux États-Unis, The Shangri-Las et Heaven Only Knows, que de la bonne musique dans Solid Gold. « honey, do you think that I let you walk and talk your way back into my life? Back into my life. If you feel that I'd forgive and forget all the wrong you've done, you just might be right. You might feel right. Even though it's been a year, oh, since you walked away from here, you still got time to change your mind. If you want a woman this time, oh yes you do, baby, you still got time to change your mind. If you want a woman this time. Can you remember how it was? I was giving you all of my love, begging you. I know you wanna. Des petites raretés amusantes aussi dans Solid Gold. À l'instant, c'était Cher qui reprenait Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. Et puis juste avant, le groupe Soul Children, If You Want a Woman This Time. George McRae, lui, ce n'est pas une petite rareté puisqu'on connaît tous son tube Rock Your Baby qu'on a entendu en début d'émission. Et l'album Rock Your Baby est sorti en 1974 et il est considéré par les spécialistes comme la chanson qui a lancé un petit peu l'ère du disco. C'est un album où il n'y a pas beaucoup de chansons. On va écouter tout de suite la dernière chanson de l'album, mais on n'est pas arrivé au bout de l'émission. Je vous proposerai pour finir un duo George McRae avec sa femme Gwen McRae. Mais pour l'instant, c'est le dernier extrait de l'album Rock Your Baby, I Get Lifted. Et puis juste après, on ira en 1983, Dionne Warwick associé aux Bee Gees, All the Love in the World. Mama, mama, mama, mama. remember how I said I'd miss you. I confess I lied. Our glass, I couldn't live without you if I tried, which I do not intend to ever try. My hourglass, your sensual geography, I live just to explore. Present, past, and future incarnations I adore. The more we love, the more I know we loved before. Luck of such magnitude fills me with gratitude. Some navigator divine tied us together in time. Love measures infinity, minute by minute. Why hourglass, do you suppose my arm around you so existentially? Hourglass, I know the sand that flows through you is me. I see the sand that flows you is me. Sprinkle just a little tenderness there. And like the tiny grains of sand that build a mountain so high, each tender moment builds love between a girl and guy. It's gotta be a miracle, this thing called love. Never, never, never let go, this thing called love. People we used to be, wishing a little time that we will be happy ever after. All it takes is two arms that know. They've got to hold you, baby, and never let go. Throw in a lover's quarrel and it's sealed with a kiss. We know that heaven must be like this. It's gotta be a miracle, this thing called love. Never, never, never let go, this thing called love. I used to wonder, I used to roam like a ship in a stormy sea, trying to get home. When we found each other, every cloud rolled away. Thought you were the dawn of a bright sunny day. Ooh, yeah. Ooh. Just a little time. Three little words, baby, that mean will you be mine? Add a few tears to lovers' first shed. And every sweet word that's ever been said. It's got to be a miracle, this thing called love. We'll never, never, never let go, this thing called love. Take a girl and a boy like you. Long, lonely hours we once knew. We have each other and look what life's worth. Our love is strong enough to move heaven and earth. Yeah, yeah, yeah. Ooh. It's got to be a miracle, this thing called love. Never, never, never let go, this thing called love. Ooh, it's got to be a miracle, this thing called love. Never, never, never let go. Un peu de tendresse en ce bas monde, ça ne fait pas de mal. Nous venons d'avoir un très beau duo, Marvin Gaye, Kim Weston. It's got to be a miracle, this thing called love. Et puis juste avant, Michael Franks avec Hourglass. Nous voici arrivés à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de votre émission de variété anglo-saxonne. N'oubliez pas, si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les anciennes émissions, vous pouvez aller sur le site solidgold.fr. Vous trouverez les émissions à écouter en direct si vous voulez les lancer sur votre ordinateur, les télécharger pour les emmener partout avec vous et vous abonner au podcast pour les recevoir directement chez vous dès qu'il y a une nouvelle émission. La page Facebook Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne, pour être tenu au courant de ce que l'on écoute. Et puis voilà, vous cliquez sur j'aime et c'est le bonheur. Chaque semaine, un album fil rouge. Cette semaine, c'était l'album de George McRae, Rock Your Baby. L'album, on a entendu toutes les chansons de l'album. Alors je vous ai parlé pendant toute l'émission de sa femme, Gwen McRae. Ils ont construit leur carrière en parallèle, ils ont même fait un album en duo. On va écouter un extrait de cet album pour se quitter. La chanson s'appelle « Winners Together or Losers Apart ». Ça représente bien la soul disco des années 70. Je vous laisse avec George et Gwen McRae et on se retrouve très vite pour un nouveau Solid Gold. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Don't you think it's about time that we stop playing games? I mean, we both know each other like the back of our hands. And the answer is so simple. So why don't you listen to me? Just for once. Listen. We can be winners.